Chapitre 12. Ces symboles vous disent-ils quelque chose? Lorraine venait de tendre la lettre anonyme à Edward Pierce, tandis qu'ils se dirigeaient ensemble vers le presbytère. Toutes proches, les cloches de l'église se mirent à sonner vigoureusement, répétant par deux fois une simple mélodie de cinq notes. Il était 2 heures de l'après-midi, et les rues de Blackmore étaient toujours aussi désespérément vides. Ce n'était pas que la ville fût déserte, mais plutôt que ses habitants se terraient chez eux, se cachaient peut-être. Le froid modéré du mois d'octobre ne pouvait justifier la chose à lui seul. Lorraine eut l'impression que, derrière les rideaux aux fenêtres, on les épiait. Elle avait même cru voir des silhouettes s'effacer au coin d'une ruelle, et elle eut le sentiment désagréable qu'ils étaient suivis. Elle se retourna plusieurs fois nerveusement, comme si ses regards indiscrets avaient provoqué une démangeaison sur sa nuque. « Bien sûr !» répondit le détective, luttant contre le vent qui s'acharnait à vouloir replier la feuille entre ses doigts. « Il s'agit là d'une écriture ogamique. »« Ogamique ? Mais encore, une forme primitive d'alphabet celtique ou irlandais, pour être plus précis. Dans la pratique, l'ogame n'est plus utilisé depuis le XIe siècle, mais il arrive qu'on le retrouve encore dans certains cercles. Quel genre de cercle ? L'ogame est considéré par quelques-uns, non comme un simple alphabet, mais comme un système magique et divinatoire à part entière, à l'instar des runes. Pour ma part, je n'y crois pas un seul instant. Les dernières découvertes archéologiques vont d'ailleurs dans mon sens. Elles confirment que l'ogame, et ses petits bâtons, étaient juste un alphabet utilisé dès le IVe siècle. Il permettait d'inscrire aisément les messages que l'on voulait graver dans la pierre. Contrairement aux runes auxquelles les druides avaient en effet recours dans leurs incantations magiques, l'écriture ogamique n'avait aucune fonction occulte et n'était utilisée que pour les épitaphes laissées sur les pierres tombales ou les monuments commémoratifs. Certains cultes modernes toutefois lui prêtent aujourd'hui une dimension magique, mais on entre alors dans le registre du charlatanisme ésotérique. « Tiens donc !» s'amusa Lorraine. Un léger sourire se dessinait sur ses lèvres d'habitude si discrètes. « Eh bien quoi ? Ah ! Je vois. Vous pensiez qu'un détective de l'étrange devait forcément accorder du crédit au moindre mouvement occultiste. Vous vous trompez, Lorraine. Je suis au moins autant que vous un pourfendeur de toute supercherie ésotérique. J'aime la science comme vous, sinon plus. Je lui fais suffisamment confiance pour expliquer un jour le mystère des mystères. Ce qui nous différencie, voyez-vous, c'est que moi je laisse une place au doute, mademoiselle, plutôt que de me nourrir de certitudes. « Ne seriez-vous donc point admettre que l'inexplicable puisse forger la science de demain? Que l'imperceptible ne soit que le fruit de notre ignorance? Et que ce que l'on appelle surnaturel aujourd'hui puisse n'être qu'un naturel qui nous échappe encore ?»« Fichtre ! Quel plaidoyer !»« Je n'ai rien dit !» se contenta-t-elle de répondre d'un ton un peu taquin. « Et donc, vous sauriez traduire ce texte ?» « Allons, ma culture a ses limites. Je ne connais pas l'alphabet ogamique par cœur, mais il suffirait que nous trouvions une table de correspondance et nous pourrions nous y employer. »« Fort bien. Quoi qu'il en soit, je vous tire mon chapeau. Figurez-vous que, dans la chambre de Margaret, il y avait justement un livre irlandais dans lequel j'ai cru reconnaître les mêmes symboles. »« Quel livre ?» Mademoiselle Chapelle sortit son carnet de notes de peur d'en écorcher le titre. « Le... « Cat Meg Cuired. » À ces mots, Pierce s'arrêta brusquement de marcher. Sa perlotte. Mademoiselle Walden avait le Cat Meg Cuired dans sa chambre ? Demanda-t-il interloqué. « Oui, pourquoi ? Serait-ce un livre rare ? S'il s'agit d'une édition récente, pas vraiment. Elle date du siècle dernier, il me semble. Alors ce n'est pas d'une grande rareté. » dit Edward en reprenant sa marche. « L'édition la plus ancienne connue, un manuscrit conservé au British Museum, remonte au XVIe siècle. Non, ce qui m'intrigue, cher ami, c'est que j'ai vu précisément le même ouvrage sur la table de travail de mon ami le père Molloy. » Étrange coïncidence, en effet. « Vous avez dit étrange ?» la titilla l'anglais. « Et de quoi traite-t-il, ce livre ?»« C'est un récit mythologique qui relate les guerres des Tuat et d'Annan. » Ces demi-dieux qui, venus de 4 îles légendaires, auraient importé en Irlande la science druidique. 4 îles légendaires ? Phalias, Gorias, Findias et Mourias. À vos souhaits. Et où se trouvent-elles, ces îles ? Pierce sourit. Bien plus au nord que Blackmore, si c'est ce à quoi vous pensez. En réalité, ce sont des îles mythologiques qui n'ont probablement pas existé. Probablement ? Par amour de la féerie, laissons, je vous prie, une toute petite place au doute. Disons qu'il est fort probable que ce ne sont que des lieux symboliques. La légende celtique les place au nord du monde, quelque part dans cette région que nous nommons désormais l'Arctique et où vivait jadis l'antique peuple de Thule. Blackmore aurait-elle des origines celtiques ? Les Celtes y ont certainement séjourné, mais cela demande vérification. Vous voyez ? Je n'avance rien sans preuve. Quand ils arrivèrent devant le presbytère, dont la porte avait été cadenassée par la police, Lorraine donna un coup de coude discret à son compagnon de route. L'avez-vous vu ? Lui glissa-t-elle discrètement en faisant un signe de tête vers l'église. Pierce acquiesça. Non seulement je l'ai vu, mais je la connais. C'est la diaconesse. Elle nous observe depuis que nous sommes entrés dans Devon Street. C'est elle qui a dû dire aux policiers que j'étais entré ce matin chez le père Molloy. Soit dit en passant, elle est loin d'être la seule à nous épier depuis que nous avons quitté le palais de justice. Il s'avança nonchalamment vers la porte du presbytère. « Dans ce cas, est-ce bien raisonnable ?» demanda Lorraine à voix basse, comme le Britannique soulevait sans vergogne le volet de la boîte aux lettres. « Pour ce qui est de la diaconesse, nous n'avons rien à craindre. Nous sommes dans le même camp. Ce que j'ai vu d'elle me confirme qu'elle aime profondément le père Molloy. Pour ce qui est des autres, bigre, je ne vois aucune contre-indication à ce que l'on sache sur l'île que, désormais, quelqu'un a bien l'intention de lever le voile sur le mystère qui s'y noue. Nous devons être le petit grain de sable qui vient se loger dans l'engrenage, Mademoiselle Chapelle, le bâton dans les roues qui poussera notre adversaire à bouleverser ses plans, et ainsi à commettre sa première erreur. Nous serons, vous et moi, le coup de pied qui manque à cette fourmilière. Et puis tout compte fait, il n'y a aucun mal à jeter un coup d'œil dans la boîte aux lettres d'un ami. Et ce disant, il s'exécuta. Par ma moustache, rien, dit-il non sans une nuance de désappointement dans la voix. Elle est vide. Les lettres anonymes n'ont été déposées que le lendemain des disparitions. Peut-être devrions-nous revenir demain ? Ou bien la police aura trouvé le courrier avant nous. Je pense que la disparition du père Molloy date bien d'hier. Cela dit, je ne crois pas qu'elle soit arrivée dans les mêmes circonstances que les précédentes. C'est-à-dire ? J'imagine que le père Molloy, avant nous, a dû vouloir donner le premier coup de pied dans la fourmilière. Il se peut que, contrairement aux autres, il n'ait pas été enlevé. Tel que je le connais, ce coquin d'Irlandais a su prendre les devants. Il sera allé affronter le danger, le couteau entre les dents. Reste à savoir où. Comme il attendait ma venue, je suis seulement étonné qu'il ne m'ait guère laissé d'indices pour me guider dans la même direction que lui. Peut-être est-il parti dans l'urgence, ou bien devrais-je étudier ses notes de plus près ? Lorraine, se retournant vers l'église, vit que la petite femme replète, bras croisés, les dévisageait encore du portail. Non sans ironie, elle lui adressa un salut de la main. « Voulez-vous que nous allions les étudier ensemble ? » demanda-t-elle au Britannique dans son dos. « Excellente idée, ma foi. Je ne serais pas fâché de croiser votre analyse avec la mienne. » Ainsi, bras dessus, bras dessous, ils se mirent en route vers le Mousetrap Inn.